إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 16 dans l'explication du livre Mu'amalat al-Hukam fi daw al-Kitab wa al-Sunnah, écrit par le Cheikh Abdul Karim Abdul Salam ibn Abdul Salam ibn Burjis ibn Abdul Karim, et on est arrivé au chapitre numéro 9. Le titre du livre en français, c'est Le comportement du musulman envers le dirigeant. Le comportement du musulman envers le dirigeant. Et comme on sait que, alhamdoulillah, cette religion, c'est un mode de vie complet. C'est pas seulement quelque chose qui est spirituel, dans le sens qu'on va juste se limiter uniquement à prier, et le jeûne, la prière, des choses de ce genre, mais ça comprend tous les différents aspects de la vie. Et donc, parmi ces aspects-là, il y a l'aspect politique. Donc là, en islam, il y a un aspect politique. Et l'aspect politique, justement, c'est pour dire que dans l'islam, il y a une façon spécifique comment on doit se comporter envers celui qui nous dirige, envers celui qui est au pouvoir, envers notre dirigeant. Et tout ça, ça a été expliqué dans le Coran et dans les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans l'exemple des sahaba et des tabi'in et des imams de l'islam qui les ont suivis de la meilleure manière par la suite, à un tel point que ce comportement à adopter envers les dirigeants est devenu même un élément qui fait partie de la croyance. C'est devenu quelque chose même qui fait partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah et qui fait partie des principes, parmi un des principes les plus importants de la méthodologie des Salafus Salih. Et donc c'est quelque chose qui est devenu à un point tel d'importance dans la religion que ça fait partie de ce qui distingue le musulman qui est salafi, qui est sur la voie des salafs, et le mubtadi', par opposition à celui qui s'accroche à la voie des salafs, c'est le mubtadi', c'est-à-dire l'innovateur. Donc on va voir dans ce chapitre certains points qui ont rapport à ça dans les paroles des salafs salih. Donc le chapitre 9, c'est quoi le titre de ce chapitre? Ada'ul ibadati ma'al wulat. Ada'ul ibadati ma'al wulat, c'est-à-dire d'accomplir les actes d'adoration avec les dirigeants. Le premier exemple qui est mentionné, c'est l'adoration de la salat, établir la salat derrière les dirigeants. Et donc le cheikh, il va donner quelques exemples de ça. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يصلون خلف الأمراء حتى لو كانوا فجرة فسقة، بل ينكرون على من لا يصلي خلفهم ويتحجون عليه أو يحتجون عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم ابن أبي حفصة قال كنت قلت لعلي بن ابن حسن لعلي بن حسين إن أبا حمزة الثمالي أو الثمالي وكان فيه غلو يقول لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا فقال علي ابن حسين بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. نعم. Donc le cheikh il commence en citant une parole qui est mentionnée dans le Musannaf, un livre écrit par l'imam Ibn Abi Shayba. Et Ibn Abi Shayba, c'est un des grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnah, un des ulama de hadith de l'époque des salaf. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Al-Musannaf. Et il a rapporté donc une parole selon l'A'mash, selon Ibrahim al-Nakhai rahimahullah, et il dit كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. Ibrahim al-Nakhai fait partie des tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la religion avec les sahaba. Alors il parle des sahaba en disant كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا, c'est-à-dire qu'ils établissaient la salat derrière les dirigeants tant qu'ils étaient présents. Et il dit وَكَانَ وَهَذَا إِخْبَارُ. Donc ça c'est une information au sujet de l'action des sahaba. Ils priaient derrière leurs dirigeants, même si c'était des dirigeants pervers ou pécheurs. Et ils condamnaient, ils critiquaient toute personne qui refusait de prier derrière eux. Et ils utilisaient comme argument contre eux, c'est-à-dire ceux qui refusaient, ils utilisaient contre eux les arguments de la sunna du prophète Muhammad, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba également. Selon Ibrahim Ibn Abi Hafsa, il a dit, j'ai dit à Ali Ibn Hussein que Aba Hamza al-Thumali, qui était une personne au sujet desquelles les gens exagéraient, j'ai dit à Ali ibn Hussein que Aba Hamza al-Thumali disait nous ne prions pas derrière les dirigeants et nous ne marions pas, on ne donne pas en mariage nos femmes, plutôt nos filles ou nos sœurs, à ceux qui ne voient pas la même chose que nous ou qui n'ont pas la même opinion que nous. C'est-à-dire que lui, c'était quelqu'un qui refusait de prier derrière les dirigeants et qui refusait de marier des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors il a dit, Ali ibn Hussein a dit, بَلْ نُصَلِّ خَلْفَهُمْ وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُنَّةِ, c'est-à-dire, bien au contraire, nous prions derrière eux, c'est-à-dire nous prions derrière les dirigeants, وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُنَّةِ, et on les marie selon la sunna, et quand ils sont en accord avec la sunna. Wa ankara Sufyan al-Thawri ala al-Hasan ibn Salih ibn Hayy tarkahu salat al-Jum'ah khalf al-A'imma. C'est rapporté également de la part de l'imam Sufyan al-Thawri, qui était un des grands imams de l'islam. Sufyan al-Thawri, c'est un des imams parmi les imams des salafs de l'époque de l'imam Malik. Et il vivait en Irak. Sufyan al-Thawri, un des grands fuqaha, un parmi les grands imams de l'islam et des grands imams du hadith. Donc souvent on va mentionner Sufyan al-Thawri et on mentionne avec lui Sufyan ibn Uyayna. Donc on dit les deux Soufiane, parce que c'est les deux grands imams parmi les salafs qui étaient nommés Soufiane. Soufiane ibn Uyayna qui vivait à Mecca et Soufiane al-Thawri qui vivait en Irak. Et ces deux grands parmi les grands imams des salafs. Donc Soufiane al-Thawri, il a condamné, il a critiqué Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy parce qu'il avait abandonné la prière de Jumu'ah derrière les dirigeants. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque des salafs, c'est les dirigeants qui dirigeaient la salat de Jumu'ah et la salat de Eid. C'est eux qui faisaient la khutba et qui faisaient la salat. C'est les dirigeants qui faisaient ça. Et dans ces deux prières, il n'y avait pas plusieurs prières de Eid ou plusieurs prières de Jumu'ah dans la ville. Il y avait une seule prière de Jumu'ah, il y avait une seule prière de Eid. Et tout le monde venait prier au même endroit. Donc, celui qui ne priait pas derrière le dirigeant, il ne priait pas l'Aïd. Il ne priait pas le Jumu'ah. D'accord ? Donc, c'est pour ça que les ulama disaient, celui qui ne prie pas derrière le dirigeant, c'est un mubtadir, hein? C'est un innovateur. Et souvent, c'était l'opinion des Khawarij, des Rafida et d'autres groupes parmi les groupes de Bid'a. Ils refusaient de prier derrière le dirigeant. Il dit, « Bal zukira inda Bishr ibn al-Harith, Abdurrahman ibn Affan, al-Sufi, faqal, sami'tu Hafs ibn al-Ghayath, yaqul, ha'ula'i yarawna al-Sayf, ahsibuhu an ibn Hay wa ashabihi, thumma qala Bishrun, hat man lam yara al-Sayf min ahli zamanika, kullihim illa qalil. » ولا يرون الصلاة أيضا ثم قال كان زائدة يجلس في المجلس يحذر الناس من ابن حي وأصحابه قال كانوا يرون السيف. Donc il dit que ensuite il dit que on a mentionné à Bishr ibn al-Harith Abdurrahman ibn Affan al-Soufi. Alors il a dit, j'ai entendu Hafs ibn Riyaf qui disait que ceux-là avaient l'opinion qu'il fallait prendre l'épée. Donc il pensait qu'il parlait de Ibn Hay et de ses compagnons. Donc c'est des gens de bid'a, hein, des gens qui sont d'accord avec l'épée, c'est-à-dire quand on dit de quelqu'un qu'il est d'accord avec l'épée ou qu'il a la position qu'il est d'accord avec l'épée, ça veut dire qu'il est d'accord pour les révoltes contre les dirigeants. Il a la position des Khawarij. Alors il a dit, Bishr a dit, Bishr ibn al-Harith, il a dit, donne-moi quelqu'un qui n'a pas eu cette opinion de prendre l'épée parmi les gens de ton époque. Il dit, c'est tous, sauf un peu d'entre eux qui n'ont pas eu cette opinion-là, ils voient tous l'opinion de l'épée et ils voient qu'ils ne veulent pas faire la salat également, c'est-à-dire ils ne veulent pas faire la salat derrière le dirigeant. Alors il a dit qu'il y a quelqu'un qui était assis dans la mosquée qui s'appelait Zaïda, et lui il mettait en garde contre ceux qui avaient l'opinion justement qu'il ne fallait pas prier derrière le dirigeant ou qui étaient d'accord avec l'épée. Donc il mettait en garde, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il mettait en garde contre celui qu'on appelle Ibn Hay. On a dit tout à l'heure que Soufiane al-Thawri, il condamnait cette personne. C'est Al-Hassan ibn Salih ibn Hay. Donc Ibn Hay fait partie de ceux qui avaient cette opinion-là, qui étaient d'accord avec l'épée et de prendre les armes contre le dirigeant. يقول ولما وقعت الفتنة في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فحاصره الخوارج في بيته بالمدينة دخل عليه عبيد الله ابن عدي ابن الخيار فقال له إنك إمام عام ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فأجابه عثمان رضي الله عنه بتأكد الصلاة خلفه حيث قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم رواه البخاري في صحيحه وقال لنا محمد ابن يوسف وحدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري به. Donc il dit قوله إمام فتنة وهو كنانة ابن بشر أحد الخوارج على عثمان رضي الله عنه ورواه سيف ابن عمر في كتاب الفتوح وقوله نتحرج أي نتحرج نتأثم التأثم التحرج التأثم أي نخاف من الوقوع في الإثم. Ensuite, le cheikh il mentionne qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de la fitna de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, à l'époque où les Khawarij ont encerclé sa maison à Médine, et Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khayyar, eh bien il est rentré voir Uthman et il lui a dit: c'est toi l'imam général des musulmans, et il t'est arrivé ce qui t'est arrivé maintenant. Pendant ce temps, il y a un imam de fitna qui prie, hein, qui fait imam, qui prie pour nous dans la mosquée, à ta place. Et nous, on trouve que ça, c'est pas bon. Et on considère comme si c'était quelque chose qui était un péché de faire ça, de prier derrière lui, alors que toi, c'est toi l'imam, c'est toi le khalifa. Alors, Uthman, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que vous devez prier derrière lui quand même. Vous devez prier derrière lui quand même, puisque il a dit: la meilleure des actions que vous faites, ou la meilleure des actions que les gens peuvent faire, c'est la salat. Alors si les gens font cette bonne chose, hein, font quelque chose de bien, alors faites ce bien-là avec eux. Et si les gens font du mal, alors écartez-vous de leur mal. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et donc, il dit que Muhammad ibn Yusuf, il nous a dit, selon Al-Awza'i, qui nous a dit, selon Al-Zuhri, qu'il l'a rapporté. Et puis, il dit, lorsqu'il a dit un imam de fitna, c'est-à-dire, il faisait allusion à quelqu'un qui s'appelle Kinana ibn Bishr. Et Kinana ibn Bishr, c'était un des Khawarij qui s'était révolté contre Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et ça a été rapporté par Saif ibn Umar dans un livre qui s'appelle Al-Futuh. Après, il dit: wa qawluhu nataharraj ay at-taharruj at-ta'assum nakhafu min al-wuqu'i fi al-ithm. Donc il pensait que en priant derrière le Khariji qui était en train de se révolter contre Uthman et qui priait dans la mosquée à la place de Uthman, il craignait de faire un péché. Alors Uthman lui a dit: non, priez derrière lui, parce que de faire la salat, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. S'ils font du bien, faites-le avec eux, mais s'ils font du mal, hein, écartez-vous de leur mal. وفي رواية ابن المبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الأثر فقال باب إمامة المفتون والمبتدع انتهى كلامه. Donc il dit dans la narration de Ibn al-Mubarak, ça disait: inna natahraju min as-salati ma'ahu. On considère que de prier avec lui, c'est quelque chose qui nous fait tomber dans le péché, on craint de tomber dans le péché en faisant ça. Et l'imam al-Bukhari, il a intitulé un des chapitres de son livre, Sahih al-Bukhari, il l'a intitulé le chapitre de l'imam qui est maftoun ou qui est mubtadi'. C'est-à-dire, l'imam qui est maftoun, Hafiz ibn Hajar, il l'a expliqué, il a dit que al-maftoun, ay alladhi dakhala fil fitna wa kharaja 'ala al-imam. Donc le maftoun, c'est qui? C'est celui qui est tombé dans la fitna ou qui est rentré dans la fitna en se révoltant contre le dirigeant. C'est lui le maftoun. Donc de prier derrière celui qui est sorti contre le dirigeant. Wal mubtadi' wa qala fil athar al hadd 'ala ash-shuhud al hadd 'ala shuhud al jama'a wa la siyama fi zaman al fitna li an la yazdad al tafarruq aw tafarruq al kalima intaha kalamuh. Donc il a dit à propos de cette narration que c'était comme pour inciter les gens à assister à la prière en groupe, et en particulier à l'époque de la fitna, pour pas que ça augmente la division. Fin de la citation. Il dit: وهكذا من جاء بعد عثمان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء ويعتدون بها وتابعوهم على ذلك أيضا. فابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج بن يوسف وهكذا أنس بن مالك. وتقدم أن ابن عمر كان زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. Donc il explique par la suite que c'est ainsi que tous ceux qui sont venus parmi les grands ulama, parmi les sahaba et autres, eh bien ils ont tous prié derrière les dirigeants, hein, et ils faisaient toujours la prière derrière eux. Et par exemple, on a l'exemple de ceux qui les ont suivis dans ça, l'exemple de Ibn Omar radiallahu anhu, qui a prié derrière Al-Hajjaj Ibn Yusuf, malgré que c'était un tyran, quelqu'un qui a tué énormément de gens, et malgré tout, malgré qu'il était un dirigeant injuste, eh bien, il priait derrière lui. Hein? Et de même, Anas ibn Malik. Anas ibn Malik aussi, il priait derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et on a donné des exemples de ça dans les cours précédents, en détail, à ce sujet-là. Et on a même mentionné qu'Ibn Omar, chaque fois qu'il y avait un nouveau dirigeant, il priait derrière lui, peu importe. Que ce soit quelqu'un de juste ou quelqu'un d'injuste, il faisait aucune distinction entre les deux, puisque il se limitait à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa salla ibn Omar khalfa Najda, Najda al-Haruri, wa rawahu ibn Abi Zamanayn. Même que Ibn Omar, il a même prié derrière نجدة الحروري خارجي سبحان الله. وصلى الحسن والحسين خلف مروان رواه ابن أبي شيبة في المصنف. الحسن والحسين les deux fils de Ali ibn Abi Talib رضي الله عنهم, et bien ils ont prié derrière Marwan, et de même que Saïd ibn Jubair, il a prié derrière Al-Hajjaj aussi, comme c'est rapporté dans par Ibn Abi Shayba également. والمصدر السابق تقدم حيث عمرو البالكي البكالي pardon مرفوعا إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. Donc on a mentionné déjà ça. Il a mentionné un hadith qui est rapporté selon Amr al-Bakali, qui est rapporté, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: si vous avez des dirigeants qui sont au pouvoir sur vous et qui vous ordonnent de faire la salat, la zakat et le jihad, alors Allah vous a interdit de les insulter et il vous a permis de faire la salat derrière eux. Ensuite il dit: وَبِنَاءً عَلَى هَذَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَثَارِ جاء اعتقاد السلف مصرحا بمدلول ما ورد في هذا الباب ومودعا أو مودعا في العقائد التي نقلها السلف ودونوها. وقد خص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين خلف الأمراء, إذ صلاة الفرض غير الجمعة لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد. أما الجمعة فلا يجوز إقامة أكثر من جمعة في بلد خشية التفرق إلا لحاجة ملحة كسعة البلد وتباعد أطرافه. فلما كان الأصل في الجمعة والعيدين عدم تعددها نص السلف على صلاتهما خلف الأمراء. Donc c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette question de prier derrière les dirigeants, eh bien c'est quelque chose qui a été intégré même dans les livres de Aqida des salafs, et ils ont rapporté ça avec des preuves et des citations claires, comme c'est rapporté dans ce chapitre, dans les livres de Aqida que les salafs ont transmis et ont rassemblés. Donc, par exemple, il dit que la plupart des salafs, ils ont mentionné la question de la salat derrière le dirigeant durant la prière de Jumu'ah et les prières de l'Aïd, les deux Aïd, Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr, de prier derrière le dirigeant. Il dit, parce que les autres prières, en dehors du Jumu'ah, eh bien, disons que c'est établi dans plein d'autres mosquées, et puis il n'y a pas que les dirigeants qui la dirigent, il y a plein d'autres imams dans chaque mosquée qui dirigent la prière en jama'a. Et donc, on ne peut pas, disons, restreindre la prière obligatoire 5 fois par jour derrière le dirigeant seulement, puisque il y a trop de mosquées, il y a trop de places, donc ça peut pas être des mosquées qui sont disons présidées ou en charge par un dirigeant à chaque fois. Il y a des petites mosquées, il y a des grandes mosquées, donc disons qu'il n'y a pas des dirigeants dans chacune de ces mosquées là qui vont diriger la prière. Mais tandis que la prière de Jumu'ah, eh bien, c'est pas permis que dans une ville ou dans un village, il y ait plus qu'une Jumu'ah, justement par crainte de division. Et ça, c'est à la base, dans les pays musulmans, c'était comme ça. Dans une grande ville, dans une ville ou un village, il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas plus qu'une seule mosquée où les gens se réunissent pour faire le Jumu'ah, pour que les gens soient réunis ensemble et pour qu'ils soient tous pareils, dans la même place. Il dit, excepté pour un besoin, une nécessité. Comme par exemple, si le pays est trop grand, il est trop éloigné, puis il n'y a pas de possibilité de tous faire le Jumu'ah à la même place, dans ce cas-là, c'est correct qu'il y ait plusieurs mosquées pour faire le Jumu'ah, mais sinon, c'est seulement en principe les mosquées où il y a plus de monde qui peuvent se réunir pour faire le Jumu'ah. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la base, pour le Jumu'ah et pour l'Aïd, c'est qu'il n'y en a pas plusieurs. Comme c'est rapporté à ce sujet, c'est pour ça que c'est à propos de ces salats-là que les salafs ont mentionné qu'il faut prier derrière les dirigeants. Et c'est rapporté dans le livre de l'Aqidah de l'imam Soufiane al-Thawri. Il l'a mentionné dans les éléments qu'il a cités comme étant parmi les éléments de la croyance des salafs. Il dit, déjà, في معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله. أي نعم. Je ne sais pas si j'ai lu ça. فلما كان الأصل في الجمعة والعيدين عدم تعددها نص السلف على صلاتهما خلف الأمراء جاء في معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله الذي رواه عنه شعيب بن حرب يا شعيب لا ينفعك ما كتبته حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقال شعيب لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركته، أما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. Donc le cheikh ici il dit ensuite que étant donné que la base c'est qu'on prie le Jumu'ah et les deux Eid et qu'on n'en fait pas plusieurs en principe, on n'en fait qu'une seule, malgré qu'à notre époque il y a plusieurs Eid ici à Montréal, juste pour donner un exemple, et ben ils font leur Eid dans presque toutes les mosquées. En principe, on était supposé de fermer les mosquées le jour de l'Aïd et de se réunir tous dans un seul endroit pour faire ça dehors. C'est ça la sunna. Oui, c'est ça, dans le stade. Exactement. Malheureusement, Allah musta'an, bon, la division et toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles on ne fait pas cette sunna. Mais sinon, peut-être un jour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera ça. Mais c'est rapporté aussi, le cheikh il dit, ça a été ramené dans la croyance de l'imam Soufiane al-Thawri. Il a rapporté, cette aqidah a été rapportée selon Shu'aib ibn Harb. L'imam Soufiane al-Thawri a dit, Ya Shu'aib, tout ce que tu as écrit comme hadith et comme principe de la sunna et tout, ça ne te sera d'aucun bienfait tant que tu n'auras pas été d'accord avec le fait de prier derrière tout dirigeant qu'il soit pieux ou pervers. Ça fait partie de la aqida, ça fait partie de la croyance. Il dit, ya Shu'aib, il dit, oh Shu'aib, tout ce que tu as écrit comme science, ça ne te sera d'aucune utilité tant que tu n'as pas considéré que tu dois prier derrière chaque dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. D'accord ? Il dit, وَقَالَ شُعَيْبُ لِسُفْيَانَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا. Donc Shu'aib, il a dit à Sufyan, est-ce que tu parles ? Il dit, oh Abu Abdullah, Abu Abdullah c'est Sufyan, sa kunya c'est Abu Abdullah. Il dit, est-ce que tu parles de toutes les salates ? Il a dit, non, mais je parle de salat al-Jumu'ah et salat al-Aïd. Hein, tu l'as pris derrière celui que tu trouves. Alors, en ce qui concerne les autres prières, tu as le choix de prier derrière qui tu veux. Mais ne prie pas derrière quelqu'un, excepté celui en qui tu as confiance. Et que tu sais qu'il fait partie des gens de la sunna et de la jama'a. C'est rapporté par l'imam al-Lakai dans son livre, Usul i'tiqad al-sunna wal-jama'a. Ensuite, il dit, وأخرج أيضا في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الذي رواه عنه عبدوس بن مالك العطار أنه قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع وتدين بها بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك انتهى كلامه. Donc ici ensuite le cheikh il mentionne un exemple de la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans sa aqida. L'aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal qu'on appelle souvent le livre Usul al-Sunnah. Donc dans Usul al-Sunnah qui est rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal selon Abdous ibn Malik al-Attar, il dit que la salat du Jumu'ah derrière le dirigeant et derrière celui qui a le pouvoir, c'est permis. Et que ce sont deux rak'at que tu fais, hein, deux rak'at que tu fais, si tu les refais après les avoir fait derrière le dirigeant, alors celui qui les refait après avoir prié derrière le dirigeant, il est mubtadi'. Il a abandonné les narrations à ce sujet-là dans les hadiths. Et il a contredit la sunna. Et il n'aura rien du mérite de la Jumu'ah. Hein? S'il ne considère pas qu'il est permis de prier derrière les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. Donc ça veut dire qu'il y en a parmi les gens de Bid'ah, parmi les Khawarij ou autres, ils vont prier Jumu'ah avec l'imam, avec le dirigeant à l'époque. Mais ils refaisaient la prière après l'avoir finie, parce qu'ils considéraient que leur prière derrière le dirigeant n'était pas valable. A'udhu billah. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad a dit, celui qui les refait après, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et il ne sera pas, il n'aura pas le mérite de la prière de Jumu'ah tant qu'il n'a pas considéré que de prier derrière les dirigeants, c'est quelque chose qui est permis et que, que ce dirigeant-là soit pieux ou pervers. Ensuite, il a dit la sunna, c'est quoi? C'est de prier derrière eux, rak'atayn, et celui qui les refait, c'est un innovateur, et que tu considères comme faisant partie de ta religion, que ces deux rak'at que tu fais derrière les dirigeants sont complètes, ne sont pas déficientes ou manquantes, hein, et que tu n'aies aucun doute dans ta poitrine à ce sujet-là. Donc ça c'est la fin de cette parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Après il dit وَقَدْ حَكَى حَرْبُ إجماع أهل السنة على ذلك في مسائله في مسائله المشهورة والتي جاء فيها وهذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المعتقد بهم أو المقتدى بهم فيها نعم المقتدى بهم فيها ملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. Ok, ensuite il cite la parole d'un imam qui s'appelle Harb et il dit qu'il y a un consensus des hommes de science au sujet de ces questions-là qui sont très célèbres, qui sont bien connues sur le fait qu'on doit prier derrière les dirigeants, hein, peu importe qu'ils soient pieux ou pervers. Et il dit que ces différentes voies parmi les voix des hommes de science et des gens de la narration, les gens des hadiths, les gens de la sunna qui s'accrochent à la sunna et qui suivent la sunna comme un exemple, le muqtada bihim fiha, ceux qu'on prend comme modèle dans la sunna, comme exemple dans la sunna, depuis l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, ça c'est ce qu'il dit, l'imam en question, yani. Il dit, j'ai rencontré ceux d'entre les ulama que j'ai rencontrés parmi les gens du Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et Mecca et Medina, et les gens de la Syrie, la Palestine, Al-Sham, Syrie, Palestine, Liban, toute cette région-là on appelle Al-Sham. Donc les savants de ces régions-là, du Hijaz, du Sham et d'autres, ils étaient tous d'accord avec ça. Il dit donc, celui qui contredit quoi que ce soit de ces voix-là, parmi les voix des gens de la sunna, ou qui les critique, ou qui les blâme, ou qui blâme ceux qui ont ces positions-là, alors c'est des gens qui sont en contradiction avec la vérité et qui sont des innovateurs, qui ont quitté la jama'a, qui ont quitté le groupe. Et za'ilun an manhaj as-sunnah wa sabil al-haq. Donc ils ont quitté le manhaj de la sunna et de la voie de la vérité. Donc ceux qui ont cette position, qui ne sont pas d'accord de prier derrière les dirigeants et ainsi de suite, c'est des gens qui ne font pas partie des gens de la sunna. Ce sont des gens de l'innovation et des innovateurs. Wa qala wa huwa madhhab Ahmad wa Ishaq ibn Ibrahim وعبد الله ابن مخلد وعبد الله ابن الزبير والحميدي وسعيد ابن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عذولا أتقياء ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفي والغنائم إليهم عدلوا فيها أم أو جاروا انتهى كلامه. Donc il dit que c'est la position qu'on doit prier derrière les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, c'est la position de plein d'imams parmi les imams des salaf. Donc il mentionne par exemple l'imam Ahmad, l'imam Ishaq ibn Ibrahim, l'imam Abdullah ibn Makhlad, l'imam Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi, l'imam Saïd ibn Mansour, et d'autres également parmi ceux avec qui nous nous sommes assis et de qui nous avons pris la science et qui étaient sur cette position. Et parmi leurs paroles, ils disaient le Jumu'ah, les deux Eid, de même que le Hajj, sont faits avec le dirigeant. Et si, même s'ils ne sont pas pieux, même s'ils ne sont pas justes, même s'ils ne sont pas des gens qui ont la piété, des choses comme ça, on a le droit de leur donner nos sadaqat, c'est-à-dire la zakat, de même que al-kharaj et al-ashar et al-fay, les butins, et ainsi de suite. Qu'ils soient justes dans ces choses-là ou qu'ils soient injustes. On a le droit de leur donner quand même, même s'ils sont injustes. Il dit وقد بوب أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب الغزو مع الأئمة مع أئمة الجور سبحان الله وذكر فيه حديثين ضعيفين أحدهما عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. Donc le cheikh il cite que يعني il y a un hadith qui est rapporté ou bien des attends il dit وقد بوب non c'est ça Abu Dawood il a mis un chapitre dans son sunan. Vous connaissez l'imam Abu Dawood Sijistani, c'est un des grands parmi les grands ulama de hadith. Il a un livre de hadith, un recueil de hadith qu'on appelle Sunan Abi Daoud. Et bien dans ce livre, il a un chapitre qu'il a intitulé, c'est un chapitre dans, à propos du djihad, dans le livre du djihad. Et ce chapitre s'intitule Al-Ghazwi Ma'a'immat al-Jawr, hein, c'est-à-dire de faire les batailles ou de participer à la bataille avec les dirigeants injustes. Et il dit dans ce hadith, dans ce chapitre, il a mis deux hadiths qui sont faibles. C'est-à-dire, c'est pas des hadiths qui sont authentiques, mais il les a cités quand même. Puis il a dit qu'il y en a deux. Un de ces deux hadiths-là, il est rapporté selon Makhoul, selon Abi Huraira. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le djihad est obligatoire pour vous avec tout dirigeant qu'il soit pieux ou pervers et la prière également est obligatoire derrière eux, hein, derrière tout musulman qu'il soit pieux ou qu'il soit pécheur et même s'ils font des grands péchés, même s'ils font des grands péchés. Donc ça c'est un hadith qui est faible, mais il est supporté par d'autres preuves qui sont authentiques. Donc c'est un des fondements parmi les fondements de l'Ahl Sunnah. Ensuite, il parle de la zakat et du fait qu'on doit payer la zakat aux dirigeants et qu'on peut leur donner notre zakat et que ça sera valable si on leur donne. Comme il dit ici, « كانت الصدقات تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وإلى من أمر بها ثم إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار أن يدفعها أو أن دفعها للسلطان أما إن طلبها السلطان أي نعم ممن اختار يعني فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار أن يدفعها للسلطان أما إن طلبها السلطان فيجب دفعها إليه. Voilà l'explication en premier. Il dit que premièrement les sadaqat elles sont données, elles étaient données au début au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Quand on parle des sadaqat, on parle de la zakat, ok? Donc au début c'était au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on donnait la zakat et à ceux à qui il ordonnait de la donner. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'ont donné à Abu Bakr radiyallahu anhu. Ensuite ils l'ont donné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis ensuite ils l'ont donné à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mais quand Uthman a été tué, par la suite les gens ont divergé. Ils ont divergé entre eux à qui la donner. Et donc il y en a parmi eux qui ont dit que il y en a qui ont décidé de la distribuer eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui ont décidé de la donner aux dirigeants. Et ils ont dit soit que si le dirigeant demande la zakat, c'est-à-dire qu'il demande qu'elle lui soit donnée à lui, il devient dans ce cas-là obligatoire de lui donner. Devient dans ce cas-là obligatoire de lui donner. Et il dit wa aktharu as-salaf ala an dafa zakat al-mawashi ila as-sultan wa dhakarahu anhum Abu Hatim al-Razi wa Abu Zur'a al-Razi. Donc il dit que la plupart des salafs, ils considéraient qu'il fallait donner la zakat du bétail aux dirigeants. Et ça, ça a été rapporté de la part des salafs par Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. C'est ce qu'on appelle al-Raziyan, les deux Razi. Hein? Et il y a justement le livre de leur Aqida qui existe, Aqida des deux Razi, Aqida al-Raziyan. Allahu alam. D'après moi, il l'a donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais sinon, il l'a donné au messager d'Allah pour que lui la distribue pour eux. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est honnête. Hein? Il craignait pas de lui. Et bien entendu, Abu Bakr et Omar et Othman, c'est la même chose. Aynam. Après, le cheikh, il dit, « Wa qala ibn Zanjawi fi al-amwal, kitab al-amwal, ahsana ma sami'na fi zakat al-wariq wa al-zahab, annahu in kana al-imam adlan dafa'aha ilayh, li'an as-sunnah قد مضت بذلك وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى انتهى كلامه. Donc Ibn Zanjawi, un des ulama, il dit dans son livre Al-Amwal, c'est-à-dire les richesses ou les biens, al-amwal, c'est le pluriel de mal. Donc il dit que le meilleur de ce que j'ai entendu au sujet de la zakat, de l'or, de l'argent et de l'or, des fois on dit al-dhahab ou al-fidda, l'argent et l'or. On peut aussi dire al-wariq, des fois vous allez entendre ça, al-wariq, c'est l'argent, al-wariq. Naam. Donc al-wariq, c'est l'argent, et al-zahab, c'est l'or. Donc zakat al-wariq wa al-zahab, donc ils disent que il a dit le mieux, qu'est-ce que j'ai entendu au sujet de la zakat de l'or et de l'argent, c'est que si le dirigeant est juste, tu peux lui donner, parce que on a vu ça dans la sunna. Et si le dirigeant est injuste, dans ce cas-là tu peux la donner toi-même, distribuer la zakat toi-même aux pauvres. Mais si le dirigeant la prend, ta zakat, et qu'il n'est pas juste, mais elle est bonne, c'est bien quand même. C'est-à-dire, ça compte quand même. Même s'il l'a pris, hein, et qu'il n'est pas juste, c'est comme tu lui as donné, ça compte. C'est comme si tu l'avais vraiment donné, ça va quand même avoir la valeur de la zakat. Même si, il dit walam yakun alayhi, donc dans ce cas-là tu n'as pas à la refaire encore une fois pour la distribuer toi-même. Si le dirigeant l'a pris par force, supposément, ou bien il t'a imposé de lui donner la zakat et qu'il n'est pas juste, et dans ce cas-là tu n'as pas besoin de la sortir encore une fois, ta zakat elle a été donnée, c'est bon. Il dit qad akhraja muslimun fi sahihihi an jarir ibn abdillah qal جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقكم. قال جرير ما صدر عني مصدق من منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا ينازع بالسلاح. Donc ensuite il dit qu'il est rapporté par Muslim dans son Sahih selon Jarir Ibn Abdillah, il dit que des hommes sont venus nous voir de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les bédouins, ou ja'ana nas min al-a'rab ila rasulillah. Donc on a vu des gens venir parmi les bédouins qui yani, sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est des bédouins. Ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, il y a des gens parmi les musaddiqin. Al-musaddiqin c'est qui? Al-musaddiqin c'est as-su'at al-amiluna ala sadaqat. C'est-à-dire ceux qui vont pour récolter la zakat et pour ramener la zakat. Donc il dit, il y a des gens parmi les musaddiqin, ceux qui viennent ramasser la zakat, ils nous sont venus et ils nous ont fait de l'injustice. Ils nous ont été injustes. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani faites que ceux qui récoltent la sadaqat soient satisfaits. Faites que ceux qui demandent qui viennent récolter la sadaqat soient satisfaits. Il a dit, Jarir a dit, tant que ma sadara anni musaddiqun منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui venait pour récolter la zakat de ma part et qui partait sans être satisfait après que j'ai entendu ce hadith de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, après j'ai entendu ce hadith-là et après que je l'ai entendu, il n'y a jamais quelqu'un qui venait récolter la zakat excepté que quand il est parti de chez moi, il était satisfait. D'accord. Il dit وَفِيهِ مِنَ الْعِلْمِ. Il y a également parmi le dans ce hadith-là où il y a aussi de la science, et parmi les choses qu'il y a dedans, c'est que le dirigeant qui est injuste, on peut pas avoir le dessus sur lui par la main ou par la force, et on ne doit pas lui disputer l'autorité avec les armes. Il dit وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا ثم رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ديسم الدوسي ولم يوثقه سوى ابن حبان وقال الخطابي في معالم السنن وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالما وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه ولكن يخرجها إلى السلطان. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que c'est rapporté également par Abu Dawood. En fait, c'est rapporté par Abu Dawood dans son Sunan selon Bashir ibn al-Khassasiyya radiyallahu anhu, il a dit, nous avons dit que parmi les gens de la sadaqa, il y a des gens qui nous faisaient des transgressions contre nous. Et ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne doit pas cacher une partie de nos biens pour pas qu'ils transgressent et qu'ils nous fassent de l'injustice? Quand ils viennent, ils vont prendre plus d'argent qu'est-ce qu'ils devraient prendre. Est-ce qu'on ne devrait pas cacher une partie de nos biens pour pas qu'ils le fassent? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit non. Et ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il rapporte avec une chaîne de transmission. Ça, c'est ce qui concerne la zakat légiférée. Oui. Non, il n'y a pas de taxe dans l'islam. La taxe est haram. Hein? Et il dit Daysam ad-Dawsi, il n'a pas été authentifié par quelqu'un d'autre que Ibn Hibban. Et Al-Khattabi, il a dit dans Ma'alim al-Sunan, il dit que dans ce hadith-là, il y a une incitation à obéir au dirigeant, même s'il est injuste. Et il dit que ça a été confirmé par la parole de celui qui considère que les zakats apparentes, c'est-à-dire les choses, les zakats qu'on fait sur les biens qu'on a qui sont apparents, c'est pas permis de la distribuer par nous-mêmes. Il dit que eux, ils considèrent qu'il faut qu'elle soit donnée aux dirigeants. Et probablement que dans ça, il parle du bétail, hein, des zakats du bétail. Il dit « Wa akhraja Abdurrazzaq fil Musannaf wa Abdurrahman ibn al-Qasim fil Mudawwana wa ibn Abi Shayba fil Musannaf wa ibn Zanjawi fil Amwal wal Bayhaqi fil Sunan عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عدي اجتمع عندي عفوا اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد ابن أبي وقاص فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا أديها إليهم هكذا لفظ عبد الرزاق وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوي عن ابن عمر أنه قال ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. Donc il rapporte ensuite, il dit que ça a été rapporté par Abdur Razzaq dans le Musannaf, et Abdur Rahman ibn al-Qasim fil Mudawwana, et Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, et Ibn Zanjawi dans l'Amwal, et Al-Bayhaqi dans As-Sunan. Selon Suhail ibn Abi Salih, selon son père, il a dit que, il a dit, j'ai ramassé beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Puis, je suis allé voir Ibn Omar, et Abu Huraira, et Abu Sa'id al-Khudri, et Sa'd ibn Abi Waqqas, donc plusieurs d'entre les grands sahaba, et j'ai été les voir individuellement, chacun leur tour, pour leur dire, il dit, j'ai réuni des biens et des richesses. Et il dit, vous voyez ce que ceux-là font avec ces biens-là, c'est-à-dire, yani, vous voyez ce que ceux-là font, c'est-à-dire les dirigeants, ce qu'ils font avec cet argent. C'est-à-dire qu'ils le font, ils ne le mettent pas là où ils devraient. Alors il leur a posé la question, est-ce que j'ai le droit de la placer ou d'aller la donner moi-même, hein, comment, c'est quoi votre point de vue? Et ils ont tous dit, donne-leur tes biens, c'est-à-dire donne tes biens de ta zakat yani aux dirigeants. Et ça c'est selon la narration de Abdur Razzaq. Et Ibn Abi Shayba, il a rapporté également Abu Ubaid dans Al-Amwal aussi, et Ibn Zanjawi, selon Ibn Omar, qu'il a dit, donnez votre zakat, hein, la zakat de vos biens, à ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur vous. Qu'ils soient s'il est pieux, c'est pour lui-même, et s'il fait des péchés, ben c'est contre lui. C'est contre lui. Wa akhraj ibn Qutaybah fi 'uyun al-akhbar 'an al-Hajjaj 'an al-'Ajjaj, laysa al-Hajjaj, al-'Ajjaj. Wa huwa Abdullah ibn al-'Ajjaj al-Ru'bah ibn Ru'bah. Abdullah ibn al-'Ajjaj ابن رؤبة قال وقال لي أبو هريرة من أنت قال قلت من أهل العراق قال يوشك أن يأتيك قبعان الشام بالضم يعني خدمهم وعبيدهم وسموا بذلك لاختلاف ألوانهم وتناسلهم من جنسين وقال القطيبي وأرى أبا هريرة أراد أن العرب تنكح إماء الروم فيستعمل عليكم أولاد الإماء فيستعمل عليكم أولاد الإماء وهم من بني العرب وهم سود ومن بني الروم وهم بيض. انتهى كلامه. نعم. قبعان الشام. فيأخذ صدقتك فإذا أتوك فتلقهم بها فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها وإياك أن تسبهم فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. وفي رواية أخرى أنه قال إذا أتاك المصدق فقل خذ الحق ودع الباطل فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيا خفف عن ظالم. يعني فتكون عاصيا خفف عن ظالم. Ok, donc ça c'est la dernière exemple que le cheikh il a mentionné par rapport à la zakat. C'est qu'est-ce qui a été rapporté par Ibn Qutaybah dans Uyun al-Akhbar selon Al-Ajjaj. Et c'est Abdullah, son nom c'est Abdullah ibn Al-Ajjaj ibn Ru'bah. Il a dit que Abu Huraira lui a dit: qui es-tu? Et il a dit: je suis de l'Irak. Il a dit, c'est, yani, probablement que les gens du Cham vont venir te voir pour prendre ta zakat. Alors il a dit, s'ils te viennent, alors rencontre-les avec la zakat, avec les biens qu'ils veulent, hein, et s'ils veulent rentrer, yani, dans ta maison pour les prendre, ou dans là où la zakat se trouve, laisse-les rentrer. Et éloigne-toi d'eux pendant qu'ils le prennent, et laisse-les avoir accès direct à ce qu'ils veulent. Et prends garde de ne pas les insulter, parce que si tu les insultes, tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre la récompense. Et laisse-les prendre donc ta zakat, et si tu es patient, eh bien, tu vas voir la récompense de ça qui va te venir dans ta balance au jour de la résurrection. Dans une autre narration, c'est écrit: si la personne qui vient récolter la zakat vient chez toi, dis-lui, prends-le la vérité et laisse le faux. S'il refuse, فَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ إِذَا أَقْبَلَ. Donc s'il refuse, alors ne l'empêche pas lorsqu'il approche. Et ne le maudis pas lorsqu'il part, parce que sinon tu vas être un pécheur ou quelqu'un qui a désobéi, et tu as diminué le péché de l'injuste. Al-Hajj wal-Jihad. Il y a aussi des narrations des salafs au sujet de l'obligation de faire le Hajj derrière le dirigeant, ainsi que le Jihad aussi. Et il dit: وَقَالَ حَرْبْ فِي عَقِيدَتِهِ الَّتِي ذَكَرَ إِجْمَاعَ السَّلَفِ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا وَالْجِهَادُ مَاضٍ قائم مع الأئمة بر أو فجر ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. انتهى كلامه. Il dit que Harb, il a mentionné dans sa aqidah qu'il a rapporté selon le consensus des salafs, il a dit que le djihad reste et demeure jusqu'à la fin des temps avec les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pécheurs. Et il n'y a rien qui va qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'injustice de l'injuste ne va pas annuler l'obligation de faire le jihad derrière eux. Et il dit, ni la justice du juste. Et il dit que tu dois également prier le Jumu'ah et les deux Eid derrière le dirigeant, ainsi que le Hajj avec le dirigeant. Hein? Même s'ils ne sont pas pieux, même s'ils ne sont pas fiables, même s'ils ne sont pas justes. Il dit ensuite, donc ça c'est la fin de la citation ici, après il dit, « وَقَالَ الْإِمَامَانِ الْإِمَامَانِ أَبُو حَاتِمِ et أَبُو زُرْعَةِ » ce qu'on parlait tout à l'heure, الرَّزِيَانِ أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاء فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَمِصْرًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ نُقِيمُ فَرْضَ الْحَجَّ مَعَ الْأَئِمَّةِ مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك انتهى كلامه. Donc les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a, ils ont rapporté dans leur aqida, et ils ont dit, nous avons rencontré les dirigeants, nous avons rencontré les ulama, pardon, les savants, de toutes les différentes villes, des différentes contrées des pays musulmans, du Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et Médine, de l'Irak, de l'Égypte, de Hacham, la Palestine, cette région-là, le Yémen, et tous ces savants-là, ils avaient mentionné parmi les éléments qui font partie de leur voie d'établir l'obligation de la prière et du hajj avec les dirigeants à toute époque et dans tout temps. Et le jihad demeure depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure du jugement dernier avec tous les dirigeants parmi les dirigeants des musulmans. Et il n'y a rien qui va l'annuler. De même que le Hajj également. Donc ça c'est la fin de la citation en question. À propos du fait que le Hajj va demeurer jusqu'à la fin des temps, on a fait la clarification de qu'est-ce que ça signifie dans le cours au sujet de la clarification des ambiguïtés sur le takfir et le jihad. Les deux derniers cours qu'on a fait, c'est à ce sujet-là. Pour réfuter la choubha des khawarij à ce sujet-là. Donc je pense que c'est le cours 16 et 17 ou 15 et 16, en tout cas les deux derniers qui sont sur le site actuellement. Ensuite, le cheikh il dit « وَمِمَّا تَقَدَّمَا يَتَّضِحُ مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ من أمر الصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ودفع الزكاة إليهم ومن الحج والجهاد معهم وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين وبه يعلم أو يعلم كمال دين الله تبارك وتعالى الإسلام حيث أمر بتحصيل المصالح ودرء المفاسد ولو وكل الله الأمراء إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعة ولما حج بيت الله الحرام ولا جاهد المسلمون الكفار. Donc le cheikh il dit, parmi qu'est-ce qu'on a mentionné précédemment, on peut comprendre et voir clairement que les imams de l'islam ont yani aïmat al-islam min amr al-salati, donc parmi les dirigeants parmi les imams de l'islam, ils ont tous ordonné de prier derrière les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, et de leur donner la zakat et de faire le hajj et le jihad avec eux. Et on a établi, ils ont toujours mentionné, établi les preuves de la charia, du Coran et de la sunna à ce sujet-là. Et c'est là qu'on peut comprendre la perfection de la religion d'Allah, qui est l'islam, du fait que il a établi et ordonné d'installer ou de faire en sorte que les bienfaits soient ramenés et que le mal soit repoussé, qu'il n'y a plus de méfaits hein, qui soient présents, qu'on puisse le repousser et qu'on puisse ramener qu'est-ce qui est bénéfique. Et il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé les affaires qui ont rapport à l'établissement de l'islam et de la Jumu'ah et des Jama'ah, de prière en groupe, de même que les autres éléments qu'on a mentionnés, s'il avait laissé ça au Khawarij, de même que le Hajj hein, et le Jihad, eh bien, il n'y aurait plus rien qui serait établi dans la religion aujourd'hui. Parce que les Khawarij, ils détruisent tout. Et si c'était laissé à eux, il n'y aurait plus de salat du mois, il n'y aurait plus de salat du jama'a, il n'y aurait plus de hajj, il n'y aurait plus de jihad hein, contre les kuffars. Parce qu'eux, ils font le jihad contre les musulmans. Les khawarij, ils font le jihad contre les musulmans. Allah al-Musta'an. Et ils ont fait le jihad, ils ont pensé qu'ils faisaient le jihad contre les sahaba. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser par la suite? Allah al-Musta'an. Donc, le shaykh, il dit, « Wal hujjatu fi dhalika al-ijma'a. » البين من السلف الصالح والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا فقال تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا وأخرج أيضا عن سليمان اليشكري عن جابر قال قلت له أغزو أهل الضلالة مع السلطان قال أغزو فإنما عليك ما حملت أو ما حملته وعليهم ما حملوا وفيه أيضا عن ابن سيرين والحسن سئل عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. D'accord, on va traduire cette partie. Il dit que la preuve de qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à ça, à tout ce qu'on a mentionné au sujet de la salat, de Eid, de la zakat, du hajj, du jihad et tout ça, c'est établi en plus de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est établi par l'ijma', le consensus des salaf al-salih. Et les hadiths et les paroles des sahaba à ce sujet-là sont nombreuses. Et ça a été rapporté dans la musnad de ou bien dans Al-Musannaf de l'imam Ibn Abi Shaybah selon Abi Hamza. Il a dit qu'il a demandé à Abdullah Ibn Abbas à propos de faire le combat avec les dirigeants, c'est-à-dire de combattre avec les dirigeants. Et il dit que وقد أحدثوا فقال تقاتل مع نصيب على نصيبك من الآخرة. Il dit tu combats pour ta part de l'au-delà. Et eux, ils combattent pour leur part de la dunya. En voulant dire que même si ce n'est pas des dirigeants justes qui sont pieux, ce n'est pas grave. Toi, tu combats pour l'au-delà, et eux, ils combattent pour la dunya. Mais chacun, il va avoir selon son intention. Il dit, « Wa akhraja aydan » Donc, il l'a rapporté également selon Sulayman al-Yashkuri, selon Jabir. Il dit, je lui ai dit, est-ce que tu combats les gens de l'égarement avec le dirigeant? Il a dit oui, combat, parce que eux ils vont avoir apporté leurs péchés et toi tu auras apporté les tiens. Donc chacun sera jugé pour lui-même. وفيه أيضا عن ابن سيرين. Donc Ibn Sirin et Al-Hassan, on leur a tous les deux posé la question au sujet du fait de faire le jihad avec les dirigeants. C'est-à-dire d'être avec les dirigeants contre les kuffars, ou bien de faire le jihad contre les ennemis de l'islam. Avec des dirigeants qui sont mauvais, qui ne sont pas pieux. Et il a dit, tu auras la noblesse d'avoir participé à ce jihad, et tu auras sa récompense et son mérite. Et eux, ils auront leur péché. Et eux, ils auront leur péché. وعليهم إثمهم. Après, il dit وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدِ النَّخَعِ قَالْ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِي فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ تَغْزُو قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الأتاوى يعني الخراج وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن المغيرة قال سئل إبراهيم النخعي عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون فقال إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. Donc, qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Il dit qu'il est rapporté aussi, selon Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid ibn al-Nakha'i, il dit, j'ai dit à mon père, ô mon père, est-ce que tu vas combattre sous l'autorité de Al-Hajjaj? Il a dit, ô mon fils, j'ai rencontré des gens qui détestaient Al-Hajjaj plus que toi. Et ils ne laissaient pas le djihad, dans aucun cas. Même si, walaw kana ra'yu an-nas fil djihad mithlu ra'yik. Même s'ils avaient la même position que les gens, ou que toi à propos du djihad. Il dit, ma ara al-atawa, yani al-kharaj. À la fin, ici, ça, je vois pas qu'est-ce qu'il veut dire à la fin, là. ما أرى الأتاوى الله أعلم كيسك سأفدير إي أبري دي وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن المغيرة قال يدي دونك سعيد بن منصور dans son sunan il a rapporté selon المغيرة il a dit que on a demandé à Ibrahim al-Nakha'i au sujet de de combattre avec Bani Marwan la famille de Marwan et il a mentionné un peu de ce qu'il faisait et il a répondu il a dit qu'il a dit que c'est seulement le shaitan qui te présente ça de cette façon pour t'empêcher de faire la lutte contre ses ennemis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ou pour t'empêcher de partir contre ses ennemis. C'est comme si, en voulant dire que le shaitan, il utilisait ça comme une shubha pour vous empêcher de participer, yani, à la lutte, hein, contre ses ennemis, contre les ennemis. Donc on a fini le chapitre 9. Bien entendu, c'est des décisions qui se prennent entre les dirigeants et les ulamas. Puis donc, si les ulamas ils disent allez-y, en principe on devrait y aller. Si les dirigeants disent, si les ulamas ils disent non, alors dans ce cas-là on ne devrait pas y aller. Et ça, c'est, je crois, c'est la meilleure chose. Comme par exemple lorsqu'il y avait par exemple, s'il y avait comme qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au Yémen, ils ont dit non, c'est pas tout le monde qui va y aller, juste ceux qui sont yani désignés, hein, par le dirigeant pour y aller, c'est eux qui vont y aller, puis aussi ceux qui sont là-bas, qui sont du pays, mais pas d'autres. Donc ça, c'est un exemple. Donc dans les questions qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec les combats ou le djihad ou les questions de ce genre, c'est uniquement aux ulama qu'on doit retourner. Les dirigeants, ils prennent les décisions, puis nous, on écoute les grands ulama. Les grands ulama al-kibar. Et le reste, on les laisse. Et donc, alhamdulillah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde sur cette voie, qu'il nous préserve, et qu'il préserve nos sœurs aussi, mashallah. Qu'il les guide et continue à les encourager à suivre cette voie et à s'accrocher fermement. Comme elle a dit, il y a peu de gens dans cette ville ici qui suivent la salafia, peut-être que parce qu'ils sont nombreux, ils pensent qu'ils se tiennent sur quelque chose, mais on ne reconnaît pas la vérité par le nombre. Hein. On ne reconnaît pas la vérité par le nombre, on reconnaît la vérité par le fait de s'attacher au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs salih. Donc, même si les salafs, ils ont même mis en garde, ils ont dit, yani, ne vous laissez pas tromper par les gens de l'écartement, même s'ils sont nombreux. Et ne vous laissez pas yani, détourner de la vérité, même si ceux qui la suivent sont peu. Parce que la question, ce n'est pas le nombre. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, il y a peu de salafis. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est yani, de rester ferme sur la vérité. Vous allez aller dans d'autres villes et les salafis vont être plus forts. Dans d'autres pays, il y a plus de salafis, les gens sont plus forts. Et les gens de bid'a sont faibles. Donc, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'être sincère et de s'accrocher à la vérité. Ayant dit tout ça, j'espère que c'est suffisant, Inch'Allah. Et donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين